Légèrement dans Side Roads, version française Manipulation, le film qui a été voté au www.douteux.org. Oui, j'ai tout entendu. Si j'avais dû compter sur toi, ben j'aurais attendu longtemps. Je te dis toujours ce que tu dois savoir. C'est-à-dire rien. Oh, c'est fou comme le temps passe quand je pense qu'il est dehors. Mais comme tu dis. T'aurais dû lui dire qu'on était mariés. J'aurais dû en faire des choses. Hors de question que moi je reste ici à l'attendre. Et tu comptes aller où? Bah ça, ça m'est complètement égal. Tiens, pourquoi pas à San Francisco? Qu'est-ce que t'en penses? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur que cousin Joe vienne encore faire souffrir ton pauvre petit cœur? Épargne-moi tes sarcasmes. Vois-tu, j'estime qu'après ce qui s'est passé, je peux encore être troublée, c'est tout. Et pour l'instant, je veux pas le revoir. Ne t'inquiète de rien, tu ne le reverras plus. Tu pourrais être plus explicite. Eh bien, rassure-toi, tu ne reverras jamais cousin Joe. Allô? Trop, y a trop de questions sur ma liste, de questions techniques et existentielles. Était jeté à l'eau tête la première, flotterait-il quand même? Rebondirait-il ou se cognerait-il? Et que vaut cette théorie qui dit qu'à chaque fois qu'on écrase une mouche, l'une de ses pattes repousse parmi nos sourcils? La vie, ce n'est pas simple. Mais heureusement, peut paraît-il expliquer le monde par une équation mathématique. 100 moins 30 donne 70, plus 100 donne 170, plus 70 donne 240, moins 30 donne 210, plus 70 donne 280 divisé par 4 donne 70. Et va donc répéter ça à ta sœur de ma part. Elle en sera folle d'amour, j'en suis sûr. Capable. Ah, merci Alex de Alex et Arnold. On est en studio, c'est à 70%. Vous voyez les très lurons joyeux. Bonjour. On a de droite à gauche, c'est Bergeron, notre invité de ce soir. Bonjour Monsieur Berger. Bonjour. Et voilà, il dit qu'il est satisfait, t'es venu nous présenter tes musiciens, toi? Ah, ouais, compositeur, en fait. Ah. Je suis un des rares compositeurs qui est pas musicien, non. Okay. Bon, ben, tu vas nous jouer des chansons au fil de l'émission. Oui, je vais danser dans la mesure du possible ici et chanter sur des nouvelles compositions. Et voilà, c'est du matériel tout frais. On est content d'avoir ça avec nous. Sinon, ben, il y a Mathieu Boudreau, toi, Mathieu. Oh, la continuité, là, ça va bien. Ouais, c'est ainsi, voilà. Les affaires sont cool, là. Ainsi, voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux garder ton punch pour tantôt. Bam! Et hey, Étienne Forêt, moi j'ai entendu dire que tu nous as ramené un spécial, très spécial. Écoute, on t'aura pas menti, Tommy. En fait, il s'agit de Restant de DJ George Hebdo. Tout le monde sait, ceux qui l'écoutent particulièrement, que j'ai fermé la saison 1 la semaine passée, mardi, avec le 13e et dernier épisode. J'avais fait deux spéciaux prénoms, donc des chansons dont le titre n'était qu'un prénom. Ben, il m'en restait plein, fait que j'ai amené ça ici, puis c'est du réchauffé. 70%. Ouais. Et voilà. Ben, j'ai bien hâte de que ça soit fini, mettons. Puis sinon, ben, le film qui a été voté, on vient de s'en saucer un petit peu dedans dans une première tranche, c'est Manipulation. On est autour de moins 5, moins 7. Ça dépend un petit peu du degré de patience que ça tente de mettre dans l'écoute d'une affaire qui se veut un drame psychologique. Vraiment tout croche. Haut le cœur tellement. Ouais, c'est ça. Mais oui, il y a de la belle moustache, il y a beaucoup de dialogues, ça fait pas beaucoup de sens. C'est un douteux particulier, je dirais. Ça va ressembler beaucoup à ce qu'on a écouté comme douteux 2011 à la fin. Là, c'était, voyons, on peut tout faire pour l'amour, là, Jean-Marie Palardi, là, il y a, avec Thibault l'architecte. Là. Oh, il y a beaucoup de scènes. En tout cas, ceux qui sont habitués à Douteux savent de quoi je parle. On parle d'un film très spécial. Donc, ça date, celui-là, Manipulation, si je regarde dans mes notes ici. 88, avec Jeff Speakman, qui se voulait la révélation de karaté aïkido. Je pense qu'il faisait de l'aïkido. On s'en crisse un peu. Là, il était supposé faire des arts martiaux, puis là, il a sorti son talent d'acting puis sa moustache. Un grand film. Sinon, au cours de l'émission, avec Bergeron, on va avoir aussi l'excellent Éric Lapointe, parce qu'on se doit de finir le DVD. Je pense qu'on va commencer. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, parce que j'ai eu des offres de bénévolat, comme j'avais demandé la semaine passée. Et sinon, on se demande si vous avez des vidéos, là, des lecteurs VHS, parce qu'on a besoin de ça pour riper des affaires spéciales. Ouais, parce que ça disparaît vite d'habitude. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec... on va commencer avec une excellente chanson, parce que cette semaine, on est viré années 90, mur à mur. C'est quelque chose qui date de jadis, mais qu'on recycle maintenant. À mon sens, c'est probablement la toune la plus en retard. Dans le sens que c'est les New Radicals, ils l'ont sorti en 2001, puis ça sonne 1986 d'un bout à l'autre. You get what you give, on commence un 70% en canon. Faites attention à vous autres, tu sais, puis c'est comme message, tu sais, ça se passe dans le centre d'achat, là, oui. Puis ils reprennent possession de ça, là, puis tu sais, c'est une question de... Ah, fromage, fromage! So Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Chris une bête. Pas le temps de niaiser! C'est de la tequila. Tequila, Anakin. Pas le temps de niaiser. Tequila, Anakin. Tequila, Anakin. Oubliez pas à la maison, c'est tequila, Anakin. Pas le temps de niaiser. Fais de mes biens. La musique est incroyable. Le clac. L'événement est incroyable. La musique est incroyable. Incroyable. Musique. Pas le temps de niaiser! Yeah! Ouais! Heineken! Un cave, coqué, pas le temps de niaiser. Alors, Christian Bale, j'ai montré cette vidéo-là à un de mes amis, l'autre jour, puis il m'a juste vraiment regardé d'un air, puis il a pas parlé. C'est pas un vrai ami. Ouais, je parle plus jamais maintenant. C'est la dernière fois que je t'adresse la parole, Sylvain. Tu te reconnais? Voilà. C'est ça. Bon, alors, cette semaine, spéciale prénom, donc restant de DJ George Hebdo. Des tunes de prénom, évidemment. Il y en a bien, bien gros. Puis il y en a qui sont cool, puis il y en a qui sont moins. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sélectionné les meilleurs. Je les ai fait jouer à DJ George Hebdo, puis là, j'arrive avec le reste ici. Donc, on commence avec Wing, qui nous chante Molly. C'est un prénom, ça compte. C'est bien bon. Ouais. Ah ouais, ça. Ça, c'est une toune de qui originalement? Je pense que c'est une composition pour Wing. Ah ouais? Ouais. Je pense. Mais je suis pas sûr. Puis tu penses-tu que les chansons qu'elle compose elle-même, elle les chante As They Should Have Been Sung? Directement. Ouais, directement. Ouais, elle est capable de. C'est pas comme un détour. Non. Ouais, c'est ça. Elle en fait une version écoutable, puis après ça, elle fait celle-là. Puis elle en disque rien que la deuxième. C'est possible. Ça prend du temps avant de. Ah. Et voilà. Mais c'est peut-être pas de elle, en fait. Ça vous dit de quoi, là? Appelez-nous. Attention, le hook s'en vient. Tiré de son album Safe Computer. Fucking cool, ça. Ça, ce qui est pas pire avec DJ George Berger, c'est que souvent, il met des tunes qui font que les invités, ça passe tout le temps mieux, peu importe ce qu'ils font, tu sais. Ouais. C'est sa particularité. C'est beaucoup pour ça qu'on me tolère encore ici, en fait. Ils sauvent tout ce qu'on fait. Donc. Ah, voilà. Molly, The Wing, sur Safe Computer. A firewall made of pewter, Safe Computer. Maintenant... On y va avec une autre de mes préférées, mais pas du tout dans le même genre, Josette Noro, qui a déjà joué avec Bonne Journée dans un partageant la scène. Mm. Et si Israël était là, il me l'aurait fait remarquer. Donc, Josette Noro, qui chante ici Guy. Donc, la tune s'appelle Guy et elle est dédiée à son ami Guy, qui est gay. Donc, c'est évidemment le légendaire Guy Gay. Duo Guy Gay et Jean Guy Gay. Oui, exact. Donc, Guy est gay. Et ça permet à Josette de se tenir avec vraiment beaucoup sans se sentir coupable, finalement, parce qu'elle peut être avec un gars, mais tu sais, comme il n'y a pas le sexe est hors de l'équation, c'est pas vraiment trompé. Alors, on l'écoute nous chanter ça. Et c'est pas quelque chose dont on a déjà entendu parler, ça, une fille qui veut un ami gay. Non, en chanson, c'est rare, par exemple. Ouais, peut-être. Et moi, je ne connais que Josette. Il y a un petit trémolo de Julien Clerc là-bas. Parce que tu es gay. Que je suis mariée. C'est légitime de s'aimer. C'est légitime. Tu es gay. Guy. Oh. Parce que tu es gay. Ce n'est pas compliqué. Rien. Oh! Rien. Bien plus qu'un copain, mieux qu'une copine, plus qu'un frangin, presque une frangine. Ah. Ensemble, presque une frangine! Quasiment, là. Qu'est-ce que c'est ça, est-ce-t-il? Il manque juste d'être une fille puis d'être sa sœur, là, puis ça serait une frangine. Mon intérêt gros n'est pas cet héros. c'est sans importance. On retombe en enfance. Hey, c'est... solo de flûte. Oh là, c'est pas tout de suite, mais... C'est pas un solo, mais une flûte. En référence, évidemment, à la flûte gay. Oui. Flûte enchantée. Comme d'éternels fiancés. Là, il y a un album autour de ça. Pardon? Il y a un album autour de ça. Oui, il y a un album autour. Ça, c'est tiré de l'album Sans abri. Qui est, je pense... Oups, je l'ai restarté sans faire exprès. Je vais être obligé de l'arrêter. Ouf! J'ai pas le choix. On recommence! Donc, Sans abri de Josette Noreau, qui est le meilleur album de Josette Noreau, jamais égalé depuis. Je crois qu'elle en a fait un deuxième, puis c'est tout. OK. Mais non, décevant le deuxième. Achetez pas ça. Mais le premier, par contre, là, Sans abri, d'un bout à l'autre, c'est excellent. Là. Guy, c'en est une, mais il y en a tellement d'autres. C'est là-dessus qu'il y a Womanopause, également. Ah oh, oui! C'est très, très, très bon. Ça, ouais, tu vois, déjà, deux hits sur le même disque. Hey, quand tu donnes... Ouais. Sinon, ben il y a Steve Marcotte. Steve Marcotte, ah oui. Qui est tout le temps content que je fais jouer ses chansons et qui essaie jamais de me poursuivre. Ticasse. Ouais, il appelait Ticasse. Alors, Steve, là, ce coup-ci, t'auras rien de la soquant parce qu'on fait jouer ça de même comme dans le vide. On tombe dans les cracks du système parce qu'on fait des vidéos. Mais je sinon, on t'enverra 50 cents. Ouais, c'est ça. Si tu nous écris à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, puis t'envoies une enveloppe préfranchie, évidemment. Donc, il y a deux tunes de Steve Marcotte qui sont des prénoms. Donc, je me débarrasse tout de suite de celle-ci qui s'appelle Laurie et qui est du pseudo l'appointisme. Et c'est pseudo. J'ai un clip en plus sur celle-là. Ah ben, hey. C'est bon, un clip de photo. Hein. Bon, c'est juste une photo, en fait. Bon, on peut appeler ça un clip. Tu penses-tu qu'elle s'appelle Laurie, la fille, sur la photo? Non, ils le disent dans la description sur YouTube qu'ils ont changé son nom pour la protéger. Ah, ouais. Mais on imagine que soit ça rime ou soit ça ressemble à... Ouais. Ou soit qu'elle s'appelait... Laura, mettons. Ouais, mais peut-être quelque chose qui finit avec un son plus top de prendre des rimes avec. Ouais, ouais. Oh, ouais. C'est vrai, c'est possible, ça. Comme l'or, mettons. Comme l'or, ouais. Ouais, en tout cas. Oh non, Laurie! En plus, il fait Laurie avec Caprice. Ouais, peut-être qu'elle s'appelait en réalité Loris. Ouais, peut-être. Ou Fabrice, non, ça c'est un nom de Loris. Cloris. Cloridris. Ouais, en tout cas. On le sait pas. Hey, c'était générique en esti, ouais, ça, mon effectivement, gars. C'est effectivement le capitaine générique qui a aidé à composer la mélodie. C'est lui qui l'a étranglé pendant qu'il chantait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui fait que la chanson s'arrête exactement où je l'ai arrêté. On pense que c'est moi qui l'ai stoppé, mais non. Donc, ensuite, évidemment, sa plus célèbre, c'est Cédérica. Ah, ben ça. Ah, ça, on rappelle que cette chanson-là, on l'avait trouvée dans un Dolorama, puis ouais. Que pour chaque album du single vendu, il y avait $1 qui était remis à la Fondation Cédrica. Une pièce. À cause d'un minable, je te dis que c'est pas fort. Si t'entends cette chanson, moi je te dis, garde espoir. Tout le Québec, moi te cherchons. Le Québec et moi. Ouais. Lui il est pas dans le Québec, là. Je viens de réaliser qu'on a manqué le 5e anniversaire de sa disparition. Ah non, moi je l'ai célébré. Ah ouais, ok. Tu nous as pas invité? Non, ben, si j'ai ça à l'approcher. De l'espoir à m'adouer, car tu pourrais t'en ranger. Cédérica, pourquoi t'es parti, t'es plus là? Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Lâche pas. Steve Marcotte, il avait été accusé dans le journal de Trois-Rivières d'arrivisme et d'essayer de faire de l'argent et de la publicité. Quelle feuille de chou! J'ai beaucoup de respect pour ce gars qui voulait me poursuivre parce que je jouais ses tunes à la radio. Je vous laisserai pas parler contre lui. Qu'est-ce que c'est que ce canard de merde? Voilà. T'as-tu sa toune des soldats aussi? Je l'ai, mais c'est pas un prénom. Donc, ah ouais, j'avoue, c'était dans ton... Ouais, sinon, ouais, ça aurait été bon. C'est vrai qu'il y a deux tounes de prénoms de filles. Ouais, sur quatre. Il y en a une autre, c'est sur les soldats, puis l'autre, c'est sur les chemises. Il ouais. Y a plus de cause à un moment donné. Fait que t'en bookes-tu une dernière? Après ouais, ça, on va parler à notre invité. Dernière. La dernière, en fait, je triche un peu parce que le titre, c'est pas un prénom, c'est « Vous aimez » de Evan Johannes, mais... Elle contient une belle énumération de prénoms tout au long. De prénoms étonnamment féminins pour des personnes qu'Evan Johannes a beaucoup aimé. Donc, on démarre ça. Oh yeah! Check it, check. Premier amour, premier baiser. Je t'ai connu, je t'ai aimé. Ginette. Eh oui, Ginette, premier baiser. Le comblant de très grand bonheur, Marie. Marc. Des cheveux noirs comme la nuit. Ah, il sonne. Ah là, il sonne un peu comme Ginette Renaud. Caroline. Carl. Carl. Oui. Juliette. Julien. Qui est pas là aujourd'hui. Bon. Dino. Dino Clavet. Sous la tour, nous avons échangé Louise. Ah, Louis, hein? Ben oui, ouais, je comprends pourquoi tu l'as mis finalement. C'est vraiment juste ça. Suzanne. Suzanne. Suzerain. Le vilain petit Suzanne. Mario. Mario. Bonne idée de. Comme ça, il peut faire plusieurs c'est rimes différentes. Voilà. Mm-hmm. Mais la main. Ça, mais Wanitou, il avait fait ça avec des affaires cochonnes. Qui ça? Wanitou, là, il avait fait des affaires de même avec. En tout cas. Yeah, yeah. Alors, si votre nom se retrouve dans toute cette énumération, ben, Evan vous aime. Evan vous aime. Ou l'équivalent masculin. Voilà. Evan vous aime, j'aime ça. Evan c'est ça qui est ça. Tcha Non, mais c'est interminable. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Ça va revenir au fil de l'émission. Ce qui nous amène à notre ami Bergeron. Berger, est-ce que t'aimes mieux qu'on se lance dans une écoute d'une de tes compositions avant de poser des questions? Parce que peut-être que ton œuvre va répondre d'elle-même. Peut-être jouer la deuxième piste sur le CD. OK. Ça me fait plaisir, man. Ou un extrait seulement, c'est 10 minutes quand même. Oui, OK. Ben, écoute, je... 10 minutes au complet. Ah oui? C'est dedans. Notre invité. Invité! Invité! Invité! Invité! Invité! Thank you. c'est assez reposant, ça. C'est-tu le... Qu'est-ce qui t'a inspiré pour composer ces affaires-là? Je dirais en premier, c'est ben, le fait que je trouvais pas la musique que j'entendais dans ma tête, finalement. Ben, à force d'écouter de la musique, je devenais de plus en plus exigeant pour la recherche. La recherche sonore, et pas seulement sonore, en fait, au niveau... Je dirais... toute la dramatique de la musique, toutes les dimensions de la musique... me laissait de... Je trouvais... Ben c'est ça, finalement. je trouvais pas la musique que je voulais entendre. Okay. Je me suis mis à la composer, puis ça s'est fait progressivement. Mais je dirais que la plus importante étape, c'est pareil, il y a 6-7 ans. Là. OK. C'est quoi, t'as découvert une guitare ou t'as commencé avec un clavier? Ou... Non, j'ai rien découvert. En fait, c'est juste que je me suis comme... perdu complètement dans ma musique, et puis j'ai mis les heures qu'il fallait, et puis ben, tu sais, j'ai vraiment trippé. OK. Plus que pour n'importe quoi avant, puis voilà. Je savais que c'était ma vie. OK, oh boy. Mais tu viens de où, question comme ça? Victoriaville. Oh boy, hein? Ça veut dire que là, t'es dans l'ombre des Chicken Swell? Parce qu'ils sont quand même dans le même créneau. T'es, t'es peut-être dans l'ombre du festival de musique actuel aussi. Ouais, oui, beaucoup plus FIMAV. Ouais. Je parlais très souvent au FIMAV. Je sais pas, j'ai tendance à rester chez moi et écouter de la musique. Là. Ça a tendance à changer, mais en même temps, je suis plus dans les enregistrements que dans les performances live. OK. Et puis, c'est peut-être plus une espèce d'obsession pour les enregistrements qui finalement... pour moi, cette musique-là me convient parfaitement parce que c'est de retravailler des enregistrements d'une manière compulsive. OK, bah ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ça veut dire que t'es beaucoup en post-prod, mettons. Oui, c'est de la post-production essentiellement, sauf pour le chant, un peu l'enregistrement, mais c'est vraiment pas ma force. Moi, je me concentre sur la composition. J'ai entendu qu'il y avait comme des voix aussi. Ça, c'est-tu qu'à un moment donné, tu entends quelque chose, tu te dis « Ah, ça, c'est hot, j'aimerais ça mettre ça dans mes tunes. » Ah, comme, oui, mais c'est les voix trouvées là, dans les films ou dans des... des voix trouvées un peu n'importe où. OK, OK, c'est ouais. Ça, c'est à un moment donné, il y a de quoi qui te flash. On a Pablo qui est avec nous autres, il va te poser une question. On a Pablo aussi qui est en ligne avec nous. On va tenter de le plugger sur notre système. Pablo, tu nous entends? Oui, mais j'entends toi surtout, en fait. OK, attends un instant. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui parle. On faudrait le mettre devant un speaker, en fait. On essaye avec le téléphone. C'est notre première fois. OK, dis donc quelque chose encore. Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est pas tard? Ah, wow, ça marche! Oui, ça marche. Vive les Jack 1-8. Vas-y, Pablo, pose une question à Bergeron. Oui, bonjour, Bergeron. Bonjour. Je m'appelle Pablo et je suis comptable de buteux.org. C'est moi, dans le fond, qui a demandé à qu'on t'invite. Ah, ben merci. J'ai entendu parler de ton œuvre oui. Dans les milieux de la musique actuelle puis de la musique contemporaine. Puis j'ai vraiment trippé sur qu'est-ce que tu fais, sur les espèces de montages qui me font penser à des espèces de cut and paste de John Zorn, autant que ça peut être John Cage. Donc, j'aurais une question à savoir. Comment tu te sens par rapport à la diffusion de ta musique dans les milieux? Parce que j'ai déjà vu une des performances, je pense, c'était sur Saint-Denis, ça durait à peu près 45 minutes. C'était toi qui récitais une de tes pièces. J'ai vraiment senti qu'il y avait comme un clash par rapport au fait que toi, quand tu fais un show live, les gens on savent pas comment réagir. Fait que comment tu te sens par rapport à ça, que la majorité du monde, quand ils entendent ta musique, ils savent pas quoi en penser? Ben, premièrement, j'ai pas donné beaucoup de performances, donc je peux pas me fier sur beaucoup de feedback que j'ai eu par rapport aux performances, mais ben moi, ça me motive, en fait. pour ce que j'ai eu de mes performances, là, comme feedback, ça me motive. C'est ce que j'ai senti jusqu'à présent. Pour la composition, je continue encore plus intensément dans ce que je fais. Parce que, ben, dans l'ensemble, de toute façon, je me suis jamais senti très près de la musique contemporaine qui se fait actuellement. C'est pour ça que tu as décidé de faire la tienne. Puis ouais, oui, c'est une de mes motivations aussi. Parce que quand il y a déjà plein de musiciens qui font la même musique, ben, moi, j'aurais pas de grande motivation à en faire. Là. Ado, t'as-tu entendu? Oui, c'est super dur de comprendre, par contre. Je vais essayer de continuer sur le chat, fait que je reviens dans pas très long. OK. Ben merci, Pablo. Okay. Ben, moi j'ai une autre question, en fait, Berger, avant de passer vers autre chose. Ouais. OK, bye. Merci. Salut. Attends, là. En fait, avant de passer vers autre chose, qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? Est-ce que tu as un album préféré qui revient souvent ou qu'est-ce que dans ton iPod? T'as-tu un iPod? Non, j'ai pas d'iPod. Je suis pas plugué nouvelle technologie non plus. Donc, de ce côté-là, je suis vraiment pas très électro-acousticien. OK. Ça aiderait pour le nouveau technologie, pour les performances live, mais en même temps, j'aime pas vraiment ce qui se fait en performance live d'électro-acousticien, donc c'est oui et non. OK, mais qu'est-ce que tu écoutes? Pour ce que j'ai, moi, ouais, c'est assez changeant, je suis plus dans les nouveautés musique contemporaine, de musique de chambre. OK. Et puis, j'ai pas d'album que j'écoute en fixation. Bon, ben, c'est juste. J'ai pas de ces dernières années. Là, c'est vrai que je suis vraiment tellement dans la composition que j'ai tendance à écouter des musiques plus simples, peut-être, quand je suis pas dans la composition, ou voir des films surtout. OK. Bon, ouais. Voilà. Ben, merci beaucoup. Hein. Reste avec nous pour le reste de l'émission. Là, on s'en va vers un de mes segments préférés. C'est celui avec les coups de pied dans la face, là, mais autrement, là. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Bruno! Ah, Bruno! Salut! J'ai oublié mon fil pour brancher mon ordi aujourd'hui, fait que ça voit moins bien dans mon ordi. Ça se peut que tout s'éteigne dans quelques instants. Ouais, exactement. Alors, on part tout de suite avec une première nouvelle. J'ai un petit bloc ici, criminels qui font les bons choix. Alors, à Shreveport, en Louisiane, un homme a été arrêté après avoir tenté de voler une voiture arrêtée à une lumière rouge. La voiture en question qui occupait 3 U.S. Marshals. Quand l'homme a réalisé ce fait, il a tenté de s'enfuir en courant, mais a été rattrapé peu de temps après. L'homme était déjà en probation pour vol de voiture. C'est une super bonne idée. Ouais. Déjà, juste de voler une voiture qui contient des gens, c'est audacieux. Ouais, trois gars. On continue. Deux jeunes hommes de Vancouver, dans l'État de Washington, voulaient simplement attaquer une femme qui joguait dans un parc. Malheureusement pour eux, la femme étudiait le kung-fu depuis 18 ans. Après leur avoir donné une bonne volée, l'un des assaillants a sorti un couteau et la femme a décidé de se retirer. Entre-temps, des témoins avaient appelé la police. Les deux hommes ont été arrêtés. Voilà. On a une photo de la kickass ici. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça, hein. c'était l'école de kung-fu qui appartient à sa famille d'ailleurs. En tout cas, ça fait une bonne pub pour l'école de kung-fu qui appartient à sa. Allez, let's go pour une autre. D'accord. Alors Kenny Boom Smith, un faux monnayeur de Détroit qui avait extrêmement confiance en ses talents, a décidé de vendre son argent et sa machine de fausse monnaie à un prêteur sur gage. L'homme a choisi le American Jewelry and Loan, là où l'émission de télé-réalité Hardcore Pawn est filmée. L'homme a été arrêté par les services secrets américains pour fabrication et utilisation de fausses monnaies. Ah bon? C'est là. C'est ça existe des machines? Ah ben, ça l'est fait ouais, chez eux. Moi, ouais, c'est ouais. Brouillard quand même. Ouais. Tu pendes ça. Il est débrouillard, ouais, mais il cave en estime. Première affaire, tu pendes quand t'as besoin d'argent. C'est ta machine qui fait de l'argent. Let's go pour une autre, ça va te faire deux blocs aujourd'hui. D'accord, alors un capitaine d'hydroglisseur, d'Everglades City, qui a perdu une main dans la mâchoire d'un alligator le mois dernier, a été arrêté pour avoir illégalement nourri un alligator. Non, attendez, ça devient moins drôle, mais c'est pas grave. Wallace Weatherholt, 63 ans, qui guidait une famille dans les Everglades, aurait nourri et provoqué et ou provoqué l'alligator avant qu'il ne lui mange la main. L'alligator a été capturé et tué. La main de l'homme a été récupérée, mais les docteurs sont incapables de la réattacher. Weatherholt fait face à une amende de $500 et a du temps en prison. Il y avait un gars qui expliquait, en fait, que c'est très, très, très, très réaliste pourquoi t'as pas le droit de nourrir les alligators. OK. Parce que normalement, ils ont peur des humains. OK. Mais si tu vas les voir puis tu les nourris, ben, à un moment donné, ils vont voir des bateaux arriver puis ils vont s'approcher des bateaux. Puis là, ben, puis là, à un moment donné, ils vont arrêter d'avoir peur des êtres humains. C'est ça. C'est la même raison pour laquelle on n'a pas le droit de nourrir les écureuils à Outremont. Oui, exactement, c'est ça. C'est la même raison pour laquelle aussi, dès qu'un lion ou un animal sauvage a mangé de l'être humain, d'habitude, ils s'en vont essayer de le chasser. Là. Ouais. C'est ça. À remettre ça où il faut. Hey, tout le monde, vous êtes très contents? Il nous reste une dizaine de minutes. Moi, je laisse le micro ouvert. C'est la vie d'Éric Lapointe. Il y a des choses qui vont nous dire que non, non, non. On est ensemble. Et le serpent, il est très prioritaire. Quitte à ce que sur le caméraman, pas grand chose. Et toi, tu t'organises plus ses extrémités. Il faut que ce soit là. C'est ça. Il faut que je l'aide. C'est clair. Ouais, mais si on le met à l'extérieur. J'ai testé le chanteur, le fan. Il y a l'autre attache ici, là. Une autre histoire. Hein? Une autre attache. Fait qu'on voulait le riguer à quelque part de super beau ailleurs, soit ici ou à quelque part, bien éclairé. T'as 12 pieds par exemple. Non, ailleurs. C'est pas ça. Tu comprends-tu? C'est pas ça, le part, ça pèse en plein sable qui va. Le calice, on change de place, c'est ou quelqu'un dans le plafond du club. Ça, c'est. Non, mais il y a ce qu'on voit, il y a 10 pieds le serpent. Fait quoi comme dégagement? C'est Chico, t'as le il est 12 pieds. Chris, regarde, j'ai pas une dégâts. C'est pas le calice que je vais faire, Chris, c'est mon steak, je tiens. J'aime mieux perdre le bout du serpent que de le mettre ailleurs. Faut qu'on le mette. Il c'est égal. Clac, clac, clac. Bon, ce spectacle là. Oh, est-ce qu'il nous a regardé, hein? Le serpent de feu. Il tape tellement ses nerfs. Ça fait rien pour arrêter. Je me demande qu'est-ce que Bergeron pense de la musique d'Éric Lapointe. Ah ben dans le sens pour la motivation pour la composition, c'est vraiment excellent parce que c'est tellement médiocre que finalement on peut seulement faire mieux, donc on s'y met à fond et puis ouais. Toi tu le vois comme une source d'inspiration à nous dépasser tous les autres. Oui, là, comment. C'est comme un étalon zéro. Puis après ça, on peut juste aller plus loin. C'est beau, c'est ça? Oui, c'est comme un générique. Oh, la mauvaise musique me motive pour la composition en général. Non, on dirait que c'est fait mal. Moi, j'aime ça. Ça, c'est mon meilleur bout, ça. La transition. Juste 15 minutes de cette petite transition. Hey, là. Ça garage des guitares, hein, ça a du fun, ces gars-là. Hostie! Ok, bon, on passera pas chaud, puis à c'est flétant. C'est flétant. It's a rap, les boys, hostie, bel job. Les boys, hostie, bel job. It's a rap, les boys, hostie, bel job. Ça, hein? Est-ce qu'on l'écoutait au complet en 8 fois, c'est ça? C'est ça. On pourrait rajouter une quatrième fois. Ouais, comme avec les spots d'extra. C'est encore plein payé pour le dire. C'est vrai que je donne un ah, tellement pour moi. Ça, il est filmé. Ouais. Il a pas fait de coke une fois non plus, hein, t'as-tu remarqué? Il est filmé. Que si vous appréciez ce que vous voyez en ce moment, ce soir à 21h à TVA, débat des chefs Pauline Marois contre Jean Charest. animé par Guy Jodoin, je crois. Je crois que c'est Panda. Si je ne m'abuse, Pauline Marois joue le rôle de Sucré. Ou c'est peut-être le contraire, je ne sais pas trop. Quand même un peu. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été goûtée, en fait. C'est vrai que quand on parle d'autre chose, ça va mieux. Ça nous inspire à parler de ça. C'est comme ça qu'on compose des tunes. Ouais. La gang, là, avec leur musique à bouche. Ma peau, tu sais, puis c'est un serpent, ça, c'est les crotales, tu sais, ça mue. Vous l'avez dit, montez-les à terre. C'est pour ça, c'est comme son ancienne peau. Quand il était un crotale. Mais là, il a changé. Oui. À cette heure, il fait plus de dos. Jusqu'à son prochain album. Avez-vous été déçu de la quantité de fois qu'ils ont dit le mot corruption dans le débat d'hier? Là? Oui. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, ils n'ont pas dit. Éducation non plus pour venir. Non, c'est vrai. J'ai trouvé spécial. Mais là, ce qui est cool, c'est que par contre, on sait exactement combien il y a de médecins de famille au Québec. Moi, ce que je savais pas avant. Ouais, de 8 à 10 000. Là, on le sait, là, maintenant. Là, on le sait. C'est bien, vraiment bien. Il y en a 8 000. 8 à 10. 8 à 10 000. Ouais, 8 à 10 000. 2000 qu'on n'est pas sûr s'ils veulent travailler. Mais je trouve ça drôle quand même comme chiffre, hein, 8 à 10 000, parce que je veux dire, c'est quand même un gros gap. Ouais. C'est 8, ça. C'est 25% de plus. Il y en a un 2000 who are not really accounted. J'ai adoré aussi à quel point Jean Charest nous rappelait qu'il est encore en train de ramasser la marde du PQ à peu près tout le temps. Ça fait 10 ans qu'il est là puis il n'a pas encore c'est pas ça. Tout non. Peut-être que ça remonte aux libéraux de la fois d'avant finalement. C'est quoi qu'ils disent les péquistes? Ils disent ça. C'est ça qui est le fun avec le bipartisme, hein, comme ça t'es sûr de te passer à Pâques à un moment donné. Ouais. Merci Eric. Fais-en plus, s'il te plaît. On rappelle que c'est le DVD promotionnel qui s'appelle Ma peau. On me l'a acheté à 97 sous chez Archambault, mais c'était par-dessus une belle pile de stickers parce qu'on voyait comme la dégringolade. Ça avait commencé à 16,99 et puis là, ils rajoutaient des stickers. Je vais pas fouiller jusqu'au bout, mais j'ai vu un 8,99. Fait qu'en tout cas. OK. Hey, ça doit sentir fort dans ce boss-là. La tournée Cage au sport, Éric Lapointe, tu ça? Ah, misère. Et je suis très fier d'avoir eu le privilège de partager le stage avec lui à plusieurs occasions. Je ne fais pas languir plus longtemps. Mesdames et messieurs, mon chum, Éric Lapointe! Mon chum, un ben bon Jack! Hey Patrick Huard puis Éric Lapointe, là, ça devient comme un enfant incestueux là, ce qui sort de là, de la merci colonie artistique. Merci surtout à tous les collaborateurs qui ont travaillé sur ces albums-là. Merci beaucoup! C'est ça tourne, hein? Dans ma valise, une paire de jeans, une feuille d'automne, un soir d'hiver, un peu d'argent dans le coffre à gants. Toujours du à la bouche, qui mord dans le cuir de ma vie. Moi, c'est Éric Lapointe, c'est sûr, je me saurais pour célébrer ça. À l'amour. Qui car porte le toujours ça va. Quand j'ai mal, je le dis, qui t'a payé de mon corps jusqu'au dernier accord. Ah ouais, qui fait pour sa plainte? Ben, il l'a dit au début, hein, ça c'était ma phrase préférée de toute la DVD. Hein. Il dit, voyons, il faut que je sois triste, calice. Il dit ça à un moment donné. La joie, tu fais moins des belles chansons. Ouais. Il a joué bien la game. Happiness of Barnacle. Il y a un garoche en haut du Ah, il est bon là-dedans. Il y a un garoche en haut de chanson aussi. C'est un peu moins bon, mais ça s'améliore. Écoutez les Kids in the Hall après. Oh non! Hey! Est-ce qu'on est rendu au bout de la gang? Là, si on compte le générique, là, on peut se dire que... L'amour existe encore. C'est un rap, les boys, de Steve Jobs. Yeah. Si qu'on l'a fait, permettez-moi de mentionner plus jamais, ça de manière très sincère. C'est comme le making-up de son album, finalement, qu'on a regardé. Ouais, l'album, le spectacle, tout, là. Ça, c'est-tu des capsules qui jouent à Musique Plus ou quelque chose? On a-tu plus d'infos, tu sais, parce qu'à cause du tan, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qui aurait dû jouer à TV. Ça se peut. Je crois que ça a été fait pour nous. Ah, tu penses? Qu'on mette des annonces entre les dents. C'est ça, mais comme on n'a pas encore de commanditaire. Hey, là-dessus, moi, j'ai une petite surprise pour vous, suivie d'une autre petite surprise, puis après ça, on va parler du film de ce soir. Merci d'être avec nous, on est à 70%. Et puis, ben, c'est ça. On se demande pourquoi. Ben oui, ben parce que c'est le moins forçant comme ça. Ça, c'est... ça vient de Brain Candy, c'est le film des Kids in the Hall, et ça me faisait penser à ça, ce qu'on est en train d'écouter, là. L'histoire d'une pilule qui rend heureux. Hold that. Heroin. No, not heroin. I have a new song. I wrote it in the park. Happiness and sunbeams and cute little puppy dogs. These are the things that I've seen with my heart. Life is a happy game if you don't forget to smile. But every now and then, fuck, your face, it harbors a frown. Sadness is a barnacle clinging to your bright boat. You won't let it sink your spirits if you'll only learn to float. We are all sea captains sailing on life's rough seas. Come on, you Magellans, come with me. I've got pie, happiness pie. Happy tailors, happy workers, happy farmers, happy girls, happy widowers, happy freelance artists, happy welders, happy world. Happy drinkers, happy thinkers, happy musicians, happy beauticians, happy mares, happy pears, happy call girls, happy hula boys. Là, le prochain, c'est assez fabuleux, c'est nos amis de cracked.com. Faut se taper ça au moins une fois dans sa vie, là. Ça commence à 1:20, voilà. Je vous laisse avec Léonard Nimoy pendant quelques instants. Yes, I can understand you. I'm Leonard Nimoy. Interesting. A record player that produces beautiful sound and pictures through my TV. What is it called? Ah, Magnavision. Gourmet video for people who know and love video. I see. The system consists of this Magnavision optical video disc player, a LaserVision video disc, and my TV. This single wire. Ah. By connecting this wire to the antenna input on the TV set, the player becomes operable. At first glance, this player... Je veux pas vous perdre, là. C'est Léonard Nimoy qui parle à une roche, ainsi que va la vie. Le film de ce soir, c'est quelque chose d'aussi visqueux. C'est... J'ai d'ailleurs écrit un superbe... Il parle pendant assez longtemps à la roche aussi. galaxy. M'a l'avancé un petit peu vers le bout. Là. Il y a là, il n'en revient pas parce que sur son lecteur vidéo, il peut écouter des films. L'intro, c'est super hot d'écouter des films. Puis, puis là, à la fin, il dit, ah ouais, wow, c'était des films. Juste une dernière fois. Ça, c'est vraiment une bonne idée, en plus, là. Well, home entertainment has never seen the likes of this before. Un gros plan sur la roche qui va parler. Et la roche qui disparaît, il est content. Gourmet video for people who know and love video. Magnavision, another bright idea from Magnavox. Magnavox, Magnavision. Hey, je suis bien content d'être ici pour vous parler du film de ce soir. C'est Side Roads, version française de manipulation, en fait, en version française. C'est un film de 88 avec une moustache et j'ai écrit un texte qui m'a grandement inspiré. Quand j'ai réécouté le film hier, c'est en fait la chose qui, à mon sens, peut le mieux convenir quand on essaye d'écrire de quoi pour décrire Side Roads, une manipulation, drame psychologique, bouh, avec des monstres et tout. Donc, non, il n'y a pas de monstres. Ben, des êtres humains monstrueux. Check comme la moustache à Jeff Speakman qui fait du pouce. On parle de quoi? On parle de manipulation. C'est pour ça que je commence ainsi. Le chasseur, en marchant dans le bois, vit un ours. L'homme qui a vu l'ours connaissait quelqu'un. Il est allé raconter à cette personne-là qu'il avait vu un ours. Pleine de bonne volonté, la personne s'est rendue chez elle pour raconter à sa famille qu'un ours rôdait dans les parages, puis que... J'ai foutu dans un sacré merdier. T'as mieux de rester chez toi le soir, tu sais, pour pas te faire avoir. Tout le monde a compris ce message-là, mais ce que la famille de cette personne-là savait pas, c'est qu'en fait, l'ours avait été inventé par l'homme qui prétendait avoir vu l'ours. Et que la personne précédente... ben, s'était fait remplir le mou parce que le but c'était de garder sa famille à l'intérieur pour qu'il puisse se faire manger par l'ours, tu sais, celles qui vont sortir des fois de temps en temps. T'sais. Ce que la personne ne savait pas par contre, c'est que l'homme avait réellement vu un ours et que l'ours avait convaincu l'homme de jouer un tour à la personne pour pouvoir attaquer plus facilement les villageois isolés. Malheureusement pour l'ours, cette personne est enfin un vétéran du Vietnam, capable de tuer n'importe quel Kodiak, narval, hippopotame ou cougar d'une seule main. Et quand il lui prit envie d'aller pisser dehors, il n'eut aucun mal à faire cracher le morceau à l'ours, à le maîtriser, tu sais. Bien entendu, l'ours avait tout mis sur le dos de l'homme qui prétendait l'avoir vu, parce que, tu sais, c'est bien vrai que le gars avait vu un ours, et que le but de l'ours, c'était de manger les villageois. Crainte que le vétéran a apaisé rapidement à l'ours, parce qu'il savait, lui, que sa famille, elle serait jamais en danger. Pendant ce temps, le chasseur s'était dirigé à l'intérieur de la cabine du vétéran du Vietnam, question de lui kidnapper sa famille pour le faire chanter. Bien grand mal s'en fut quand il réalisa que la famille du Vietnam, du vétéran du Vietnam, est en fait une illusion créée par son cerveau malade de flashback. Loin de craindre pour sa famille, qu'il savait en sécurité dans le jardin plein d'abeilles gentilles quelque part au Vietnam dans sa tête, le vétéran convainquit l'ours d'aller prendre le chasseur en surprise pour se venger de sa fourberie. Il demanda à l'ours d'aller voir le chasseur et de lui expliquer que le plan du kidnappage avait fonctionné et qu'il allait payer la rançon. « Allons, chasseur, tu m'as vu? Tout le monde sait que tu m'as vu. Qu'est-ce que t'as à gagner? Laisse aller les gosses, au moins! » beugla l'ours en entrant dans la cabane du vétéran du Vietnam. Le chasseur sembla pris au dépourvu quelque part entre « Pourquoi ça parle un ours? » et « J'ai faim, puis la pizza arrive pas. » L'ours savait qu'il avait gagné. Il voyait dans les yeux de l'autre, t'sais. Et c'est à ce moment-ci que le vétéran du Vietnam arriva derrière l'ours en lui plantant sa machette de part en part, de gauche à droite, pas de derrière à devant, t'sais. Connard d'ours, on aura bien réussi à t'avoir après tout ce temps. Tu ne terroriseras plus ma famille. Et le chasseur enleva son masque. C'était en fait la famille du vétéran du Vietnam. Et tout le monde vécut heureux et Adam eut des enfants avec sa femme et les enfants de sa femme engendraient des multitudes. Si va la vie. Donc, cette histoire-là, je pense, c'est un petit peu ce que ça m'a inspiré. On va aller se perdre un petit peu dans le film, les écouter eux autres. Vous allez comprendre, tu sais. Hein? Hein? Faut pas faire confiance à l'ours qui pense qu'il est un vétéran du Vietnam quand il chasse des chasseurs. Voilà, tu sais tout. Je suis désolé, lorsque j'ai vu Bonnie, j'ignorais que vous étiez mariés tous les deux. Ça va peut-être te sembler stupide, mais je suis vraiment triste au sujet de Bonnie. Quelle différence ça fait. Il y a 8 ans, tu m'as rendu un service, maintenant nous sommes quittes. Je sais bien qu'on aurait dû divorcer, mais seulement si j'avais fait ça, elle m'aurait complètement ratissé, alors non. Et puis toi, il te serait pas resté grand-chose. Non, c'est, bon, alors, c'est particulier, il y a un moment donné que ça... Mais c'est tout vu. Ça rentre. Tu as déjà tout arrangé. Alors ça y est, on est quitte. Le compteur est remis à zéro. Oh. Puis la densité de passes de bureau est sûrement la plus haute de tous les temps. Puis c'est entrecoupé de passes de blonde. Merci, mais on est à -6, -7. Merci, Joe. Quand même. Ah, et voici la clause suspensive. Il est tout simplement indiqué que l'un ou l'autre serait nommé seul bénéficiaire suite au décès de l'un d'entre vous. D'après les sites des empreintes digitales, nous connaissons l'identité de l'homme. Il s'agit d'un dénommé Robert Washington. La carte du véhicule était enregistrée à son En gros, l'histoire, là, c'est que notre héros, Jeff Speakman, le moustachu, sort de prison après 8 ans, parce qu'il est allé en prison pendant 8 ans pour permettre à son beau-frère ou son cousin, là, Tony, là, le gros qu'on voit de dos, de s'acheter un casino. Là, le but, c'était que quand il était pour sortir de prison, il était pour avoir le casino moitié-moitié, mais là, ben, il rencontre une fille, puis là, il y a un contrat de l'assassiner, puis il y a toutes sortes de papiers épais, comme des affaires qui disent t'es aussi bien de t'arranger pour qu'il meure avant toi, tu sais. Comment allez-vous faire si la personne a voulu? Comment t'as dit ça, là? L'ours? Ah, l'ours, non, il n'y a pas d'ours dans... C'est juste dans mon... Ah, OK, c'est métaphorique. Métaphorique. J'ai autre chose à vous montrer. Métaphorique. Fait qu'on écoute encore un petit bout, là. Ouais. Bruno va faire des gros soupers. D'ailleurs, tenez, on peut encore lire l'inscription. Bonnie et Lou. C'est un élément irréfutable. N'oubliez pas qu'à 70%, on vous passe les highlights, hein. Dites-moi. Ah non, pas dans ce cas-là, je vais pas découper rien, c'est tout le temps ça. L'autopsie pratiquée sur Washington indique qu'il a eu une crise cardiaque. C'est probablement à ce moment-là que son pied a appuyé Voyez sur l'accélérateur et les a précipités l'un et l'autre dans le ravin. La tête de votre femme aurait heurté le pare-brise et elle aura aussitôt perdu connaissance. Elle aurait sûrement pu s'échapper avant que la voiture n'explose. J'ai envie de comme skipper un petit bout. Donc ils ont fini par retrouver. Fait que là, on a eu une pause de bureau suivie d'une pause de bureau. Là, on a une pause de téléphone. Il m'a pas dit que la voiture. Elle n'a pas brûlé. Du moins, pas quand j'ai. La scène que le gars est en train de décrire, qu'elle a explosé la ensuite. Femme frappée, qu'on combustion on a pas spontanée, vu, quelque chose comme non, ça. Non, c'est tout est raconté. Bon, en tout cas, avec la police, tu n'as rien à te reprocher. Identifier le corps de Rob sans problème, mais pas encore celui de Bonnie. Quoi? Comment ça, ils n'ont pas identifié Moi, je gage que les deux sont pas morts. Bien sûr que c'était Bonnie. Qui voudrais-tu que ce soit par elle? Non. Je disais qu'il n'était pas sûr que ce soit Bonnie, mais maintenant, ça y est. C'est un spectre. Moi, je gage que les autres sont morts. Juste pour me demander le nom du sportif. Ils vont faire un examen dentaire. Pauvre Bonnie. Ça voyage de téléphone en téléphone. C'est Bonnie. Je viens de la voir passer. Ah ben, quand ça la donne, hein? Trouve-toi une bonne. Ça veut dire que je suis mort! Oh non! Avant de poursuivre l'émission, on s'en va s'écouter du vrai, de vrai rock'n'roll. Cette semaine, on a un trip années 90, on vous le rappelle. Vous allez sûrement être. Semi-sonic ou Third Eye Blind? À 70%! Take the stage, we give them the case to play. Say, I want something else to give. beneath my toes. The beats gives a feeling and a deep feeling. I believe in the faith that grows, and the four I close can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright, alright. And when the plague in she said she was crossing, the love is convinced in the sea, which is on the earth to feel alive. But now I'm struggling to survive those days you were wearing that velvet dress. You're the priestess, I must confess, those little red panties, they pass the test. Look up around the belly, face down on the mattress. I want something else to get me through this life, baby. I want something else. Not listening when you say goodbye. Super bon. Ça fait penser aux Spin Doctors un peu, hein? Vous avez remarqué? Ce que j'aime beaucoup, c'est l'attitude des gens dans tout ça. C'est le fun, hein? On sent qu'ils ont du fun. Ils veulent quelque chose d'autre, mais pendant qu'ils veulent quelque chose d'autre, ils ont du fun pareil. Third Eye Blind, oh oui, leur prochain album s'en vient, ça va être malade. Et en restant saucé dedans jusqu'aux yeux. Tu sais, des fois, il y a des modes qui se créent, là, pis là, le monde, il me l'envoie, là, le clip, là, pis ça, c'est la nouveauté, c'est frais. Bonsoir, ça vient? T'es qui là? Anakin, pas le temps de niaiser. Qu'est-ce que tu penses de notre événement, Candy? L'événement est incroyable. Incroyable. Et pourquoi? Toi, là. Super bon. Mais moi, là, je vais rajouter du dancehall à l'événement. Avec des grouillades, là. Qu'est-ce que tu penses de la musique? La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak, là. Moi. Même je sais même pas quoi faire maintenant, là. Ça me fait tellement bouger que c'est incroyable. Tu viens souvent ici? Copacabana, c'est la place, là. C'est pas niaiser, là. Est-ce qu'il y aurait un événement que tu aimerais qu'on refasse? Ouais, l'événement Vibes Cartel to the top. Incroyable. Filme mes pieds. The Clocks. Filme mes pieds. Clocks. Clocks. Clocks. The Clocks. C'est vraiment ma petite vie. C'est raisin, verre d'eau, pas le temps de niaiser. Hey, le défi, c'était de finir les raisins avant la fin du show. Hein, ouais, ouais, je savais pas, moi. Ça, ouais. On trying to get on. Fait que, moi, j'ai jamais eu l'impression de me faire raconter n'importe quoi hier soir au débat des chefs. Non. Non. Quand James Charest attaquait Pauline Petit Soulier Marois avec la mise à la retraite des infirmières, là, ben, il y avait raison, tu sais. Quand François Legault, hein, il parlait de la corruption libérale, ben, il y avait raison, hein. C'est vrai. Puis quand tout le monde parlait des nuages de promesses de la CAQ, ben, il y avait raison, hein. Puis ben quand Françoise David parlait, elle avait raison, tu sais. Non, j'ai pas imaginé être dans une garderie quand les trois clowns se lançaient des tartes à crème à tour de bras. C'était même super drôle de voir Tigeant rire à grande gorge quand les deux autres dinosaures ressortaient leurs vieilles chicanes. Hein. Combien de fois il a dit « C'est le fun de voir que Pauline puis François ne s'entendent pas à propos des règles de la cachette barbecue. » C'était pas du tout comme du mauvais théâtre d'été quand chacun insultait son tiers à grands coups d'arguments vides à saveur de gang de cave assis en avant de vos TV. Il y a plus rien qui avance depuis que l'entreprise privée a pris le contrôle du gouvernement, puis c'est pas prêt de changer, fait que vos gueules puis nous autres on va s'organiser pour se lancer dans les vraies questions importantes pour les Québécois québécoises comme 1. Combien ça coûte? 2. C'était l'important, tu sais. Excuse-moi. Ouais. Oh, ouais, j'écoute. 2. À qui je peux le vendre plus cher? Puis 3. Combien de pénis tu peux rentrer dans le cul du Québécois moyen sans avoir à y acheter du kiwi? Hein? Non, mais le message est très clair. Tu sais, ta gueule, travaille et consomme. Hein. Vraiment, là, vraiment, je te le dis, j'ai pas eu le sentiment que la game qui se jouait en avant de moi était un bourbier rempli de mensonges. Hein. Parlant de mensonges, l'autre jour, je te donne une ruelle sombre de Montréal en train de péter à gueule à un noir homosexuel, chimail. Je gueulais, meurs, asti de déviant, tu sais. Ah, c'était mardi. Ouais, c'est mardi. Quand je me suis rendu compte que dans le fond, hein, ce que moi j'ai toujours voulu, c'est être une femme, nue, sur la plage, avec un beau capitaine de bateau. Fort, hein, donc viril, viril, donc rassurant, hein, rassurant, donc c'est pas grave si c'est un douchebag, hein, tant qu'il y a de l'argent. Pourrait bien avoir la face de Denis Lévesque, hein, tant que le fric sort par les oreilles. Puis capitaine de bateau, quelque part, c'est sûrement payant. Tu sais, quand quoi que tu fasses, tu te mens à toi-même. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'ai rêvé. Il y avait un gars en train de faire un discours, là, une foule, fait que je me suis approché. T'sais. Il y avait des fleurs aussi autour. Moi, je faisais attention de ne pas marcher dessus. T'sais, ils sont tellement belles. Puis en même temps, il y a comme des serpents autour de tes. Fait que, anyway, tout le monde s'en sacrait. Il y avait une foule, ils scrapaient toutes les fleurs, les serpents leur montaient dessus. Mais c'est pas ça qui est important, là. Ce qui est important, c'est que je suis monté aux barricades. Puis le gars, il disait quelque chose comme « Distingué monstre et autres créatures, mortes ou vivantes, membres de l'Assemblée et autres morceaux de viande, femmes, enfants ou pas. » Vampires, loups-garous et autres légendes prolétaires, robots, cyborgs, androïdes, iPhone et j'en passe, bienvenue. Flagaga gougou pour les extraterrestres et flagaga gougou pour les retardés mentales. Welcome pour les états-luniens, hein? Et va te faire foutre pour la veuve et l'orphelin. Asbestos pour l'amiante et wet dream pour les adolescents. Je vous invite à continuer de fermer vos gueules, majorité silencieuse, afin que nous puissions terminer de vendre aux plus offrants nos matières premières, afin que nous puissions nous enrichir tous ensemble et poursuivre le grand œuvre, hein? Le grand œuvre de l'œil, les amis. Oui, flagadaba, hein? Oui, amateur de Marilyn Manson. Oui, tu as raison, Denis Lévesque. Le mystère de l'œil est grand. Le formulaire, les amis. Rassurant, officiel, sécuritaire, prions le grand œuvre. Monsanto, Monopolium. La peur viscérale qui brouille les masses dans le spectacle que nous enrichissons, prions le grand œuvre. Idolum, Musica, Lady Gaga. Merci de regarder, merci de nous regarder grand œil. Puis c'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Tu sais, moi, c'est la dernière fois que j'écoute le débat des chefs, puis 1984 dans la même soirée. Fait capoter. Ça me fait capoter. Mélanger les affaires. On mélange tout, hein. En terminant, OK, vite, vite comme ça, recevoir du vomi de Kalinours, c'est pas nécessairement un gage de bonheur. La magie qui lui vient du ventre. Bon, ouais, c'est ça, tu sais. Il y a juste si t'es cannibale que tu peux dire manger du chinois. Puis celui qui le dit, ben, c'est pas nécessairement celui qui l'est. Mon père, il est vraiment plus fort que le tien, Johnny Big Dick. Mais... Fait que c'est pas mal ça. Pas le temps de niaiser, file mes pieds. La musique est incroyable. Fais de mes pieds. Ah, merci beaucoup, Mathieu. On s'en va avec Bruno qui nous fait des nouvelles en rafale. Oui. Et voilà. Rafale de nouvelles. Catherine Venusto, pardon, fait face à 6 chefs d'accusation criminelle après avoir piraté le système informatique de l'école que ses enfants fréquentent. La femme aurait changé une note d'échec de sa fille que sa fille a obtenue pour un sourcil pour des raisons médicales, pardon, et aurait aussi augmenté une note de 98% à 99% pour son fils. Elle aurait aussi consulté les courriels des enseignants. La femme qui travaillait pour l'école de 2008 à 2011 aurait piraté le système 110 fois avant d'être prise. Si condamnée, elle fait face à une amende de 92 000 $ et 42 ans de prison. Et sacrément. Ah, barnouche. Yes. Don't mess with your green card. Change pas. Là, aux États-Unis, c'est spécial aussi parce qu'ils ont des dossiers. Ils gardent ça toute leur vie, là, mettons. Là. Ouais. Au primaire, t'as un dossier, puis ça te suit. Permanent record. Ben oui. On continue. Un homme de Rock Island en Illinois a été intercepté par des policiers alors qu'il se promenait tout nu et enduit d'huile Crisco dans la rue. Régulièrement, je fais ça, je me suis jamais fait arrêter. Lorsque les policiers l'ont interrogé, Chad Williams Forber, qui avait toujours la canette de Crisco sous le bras, pardon, a affirmé qu'il avait enlevé ses pantalons parce qu'ils étaient trop grands et tombaient tout le temps. Une fouille des 10 pantalons que l'homme transportait a révélé qu'il était en possession de méthamphétamine. S'ajoute à ses accusations de possession une accusation pour avoir résisté à l'arrestation, j'imagine c'est parce qu'il était glissant. C'est pas de sa faute. Ouais, il y a des yeux assez spéciaux. Hein. C'est le fun, on les voit à cette heure, les héros. Mandy Ramsey de Fort McCoy, Floride, a entraîné les policiers dans une poursuite en voiture et a réussi brièvement à les semer avant qu'ils ne retrouvent son pick-up stationné devant la maison de son copain. Lorsque les policiers l'ont interrogé, elle leur a expliqué qu'elle ne pouvait pas s'arrêter parce qu'elle était seins nus et devait se dépêcher pour aller surprendre son copain. L'argument ne les a pas convaincus et ils l'ont arrêté pour avoir fui et échappé à un agent de la loi. C'est drôle qu'il rajoute grossière à descendre juste pour les cas. Ouais, ça aurait été drôle. Hein. Et puis une petite dernière? Ouais, une petite dernière. Le gouvernement fédéral américain a plus de 4 millions de pages de preuves contre cet homme, Armando Angulo, un médecin fugitif de Miami qui est entre autres accusé de vente de médicaments sous prescription sur Internet. Mais à la demande des procureurs, maintenant, ces preuves ont été effacées des unités de stockage de la DEA car les quelques 2 terabytes de données prenaient trop de place et coûtaient trop cher à garder. Les preuves prenait environ 5% de l'espace de stockage de la DEA. Rappelons qu'on peut acheter un disque dur de 1 TB pour environ 100$ chez Futureshop. Fait qu'ils ont délité les preuves. Ouais, ils ont délité les preuves. Ouais, c'était trop. Il y en avait trop. Ben voyons drôle, donc. C'est donc ben sans dessin, ça. Il est-tu en prison? Lui, il a fui. Là, c'est un fugitif. Ils savent bien que le retrouveront pas. Okay. Sacrifice. Bon, ben, si vous avez vu ce champion, tenez-vous au courant. Là, je suis en train de tasser les photos, mais tu sais, on parle de rock des années 90. On arrive à la fin de l'émission. On va avoir encore Bergeron qui va nous faire une autre superbe performance tantôt. Ça va être du live chanté cette fois-là. Mais avant, on va aller écouter Real, Real, Real de Jesus Jones. Les autres, ils vont revenir, ça va être big. Sûrement. Tu te rappelles de... T'as mis de quelle année date le dernier album de Third Eye Blind, selon toi? 2009. Eh bien oui. On n'en a pas entendu beaucoup parler de celui-là. Hein? Non, mais pareil, c'est le meilleur. Puis avant ça, 2008. Puis avant ça, 2003. Tabarnak. Tout ça qu'on sait. L'époque diarrhée du band. Ouais. Non, c'était pas aussi bon que... Non, hein. C'est le premier, mon meilleur. Jesus Jones, Real, Real, Real. Vous allez vous rappeler d'une affaire assez spéciale. Ouais, ouais. You cannot hold out love one minute. Et voilà, on est de retour en studio avec notre invité Bergeron qui nous a pondu de quoi de frais de nouveau, c'est de la nouveauté. Sinon, on a des questions aussi qui viennent du chat, Étienne. Effectivement, ben, y a Pablo qui nous en a envoyé plusieurs sur le chat, donc je te pose ça rapidement en y allant par dans l'ordre d'intérêt. Donc, premièrement, il nous demande ici, un instant, le voilà, ok, alors... quelle est la structure musicale préférée de Bergeron? Ah, aucune. Pour chaque composition, c'est différent. Je vais partir de... Bon, je veux pas trop parler de mon processus, là, mais disons que j'essaie de le modifier à chaque fois pour chacune des compositions. Et je ne veux pas essayer... Peut-être que j'ai essayé mes premiers albums d'avoir un côté couplet-refrain avec des couplets, mais maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. C'est comme des transitions sans arrêt. Il y a des motifs qui reviennent, évidemment, mais c'est pas préparé d'avance pour comme structure préétablie. C'est complètement différent de toute autre structure musicale, dans le fond. T'as ta propre affaire. Ben, c'est ce que j'essaie de développer pour chacune des compositions, que ce soit différent, puis qu'il n'y ait pas de compromis. On nous demande ici si tu as un accord préféré. Non, non, vraiment pas. J'essaie d'aller chercher de sortir des théories musicales également. De mélanger les quarts de ton avec des tonalités, avec de la tonalité, peu importe. Ce que j'aime à l'oreille. Puis, une autre question sur le chat. Comment Bergeron perçoit la critique de sa musique? Est-ce que tu as déjà, premièrement, entendu des critiques sur ta musique? Oui, c'est allé dans les extrêmes tellement... Comment dire? Ben, tout ça pour dire que ça me laisse indifférent maintenant. Tout me motive, on dirait, les insultes autant que les compliments. Ah, ben c'est bon, ça. Saine attitude. Bien, on va maintenant passer à ta performance pour finir l'émission. Donc, on a 6 minutes de jolie mélodie par-dessus laquelle tu chantes et avec laquelle tu danses également. Donc, on rappelle aux gens à la maison que notre studio est beaucoup plus petit que ce à quoi Bergeron est habitué comme espace pour danser. Ah, donc, plus ou moins. Il va s'adapter pour votre bon plaisir, messieurs, dames. Alors, on part ça à l'instant. Sans parler des mois, morte des natures, en partie contre des échanges qui perdurent. La vis, c'était facile avant, pas dû de s'être battu une chance de la lever pour quitter notre séparation de longtemps, depuis n'être que mental état. méchant des allures, des pas balancés, des années passées. Il ne s'incline que si nous détruisons la beauté nous qui entoure. Des amitiés malveillantes à s'y méprendre avec l'autre ruche capitale, une importance, des amours ancestraux. Des amitiés malveillantes, à s'y méprendre avec l'autre ruche capitale, une importance des hommes ancestraux. Éphéméride. De regarder ce qui devrait encore nous. Et voilà, c'était Bergeron, merci beaucoup. Merci mon gars. Ça nous amène à la fin de l'émission. Peut-être montrer le disque. Oui. On a un disque ici. Le dernier album de Bergeron, je ne sais pas si on est capable de le voir. Peut-être Mathieu, si tu pouvais le tenir. Comme d'habitude. Puis j'ai fait le message à notre comptable que tu lui as laissé une copie de ton album. Puis là, il se peut plus, il arrête pas de capoter sur le chat. Il y a également Danny Daniel Gabriel, le fidèle collaborateur et auditeur, qui nous dit que ta musique, c'est comme une drogue naturelle, puis qui a l'air à triper vraiment beaucoup. Il y aurait sûrement moyen de vous mettre en contact tous les deux. C'est un musicien aussi. Oui, oui, qui fait pas mal tous les instruments, lui aussi. Je suis son boss. Salut à Danny Daniel, qui est là-bas dans les Alpes. En France. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Berger. Je vois que c'est Vincent. C'était disponible sur Internet, Facebook. Y a-t-il une manière de te suivre? Ah, et mon site, freakywaves.com. Oui. Freaky Waves. Oui, okay. Tout un mot. Et c'est mon site officiel. Parfait. Sinon, on tape Bergeron dans Google, puis ça finit bien. Moi, je fais essayer de le trouver. Ah, voilà. Parfait. Merveilleux. Ben, merci beaucoup d'être passé. Ça m'amène à dire merci à Étienne, à Mathieu, à Andy, à FX, à Bruno, et ainsi qu'à nos amis politiciens qui nous ont fait un beau débat hier. On s'en va écouter. Side Roads, c'est le film qui a été voté cette semaine au www.douteux.org. Allez voter, là. Allez voter. Puis, ouais, c'est ça. C'est tout. Plus rien d'autre à dire.